Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 583 et l'album de la semaine, il n'y en a pas, mais il y a un thème, c'est Paul McCartney de 2000 à 2020, 20 années de Paul McCartney, autant vous dire que ça va être bien et autant vous dire que comme d'habitude, j'ai été obligé de couper, de me dire mince, j'en ai 4 heures, il faut que j'en mette moins, mince, j'en ai 3 heures, il faut que j'en enlève encore, et je suis arrivé à peu près à 2 heures, peut-être qu'on va déborder de 2 minutes, c'est pas sûr, hein, mais peut-être, on sait jamais. Donc, c'est la saga des Fab Four, telle que vous l'entendez tous les mercredis, c'est la 40e saison de la saga des Fab Four. Au mois d'avril, l'année prochaine, on fera une grande fête, justement, l'émission durera probablement 4 heures, et je sais qu'Eric sera avec moi pour faire le standard, pour m'aider à réaliser tout ça. Et on se fera des coucous, on téléphonera, enfin vous téléphonerez au studio si vous le voulez, bien entendu, je ne force personne. J'espère aussi que vous m'enverrez des messages pour me dire salut, je suis rauque par exemple. Et quand je ne bois pas de café lorsqu'il passe des John Lennon que j'aime moins, je suis bien présent dans la saga. Voilà, vous voyez, un truc comme ça, ce sera très très bien. Bien, vous voulez les 5 premiers? Allez, c'est pour vous faire plaisir. Il y aura Maybe Baby, extrait de la bande originale du film Maybe Baby, toujours de Paul McCartney, bien sûr. Il y aura Vanilla Sky, deuxième bande originale du film Maybe Baby, Maybe Baby, Vanilla Sky, en l'an 2000 aussi. Il y aura Driving Rain, Lonely Road et Riding to Jaipur. Voilà les 5 premiers. Et puis pour le reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure dans la saga des Fab Four. Je vous propose de nous rejoindre dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Et dans quelques instants, on commence avec un bon rock dans lequel d'ailleurs on sent la patte de Jeff Lynne. Il était dans le studio avec Paul McCartney. Place à la musique, Maybe Baby sur RIG. Baby Baby avec Hugh Glory et une femme que je ne connais pas, mais l'histoire c'est une comédie à propos d'un couple qui essaie d'avoir un enfant, tout simplement, d'où le nom Maybe Baby. Avec ce rock tout à fait Jeff Lynne, si on peut dire, parce qu'on entend la batterie bien en avant comme le fait le producteur Jeff Lynne, et les que sait faire aussi Monsieur Jeff Lynne. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all, don't blow it away. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. Got it all. Don't blow it away. The chef prepares a special menu for you to delight. Tonight you fly so high up in the vanilla sky, sky, sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. Il faudra que je mette une mauvaise note à celui qui a préparé mes fiches parce que Vanilla Sky ne date pas de l'an 2000, mais de l'an 2001. Vanilla Sky ou Un ciel couleur vanille au Québec. C'est un film américain mêlant thriller psychologique et science-fiction réalisé par Cameron Crowe et sorti en 2001. Il s'agit du remake en anglais du film espagnol Ouvre les yeux de 1997 d'Alejandro Amenábar, dont le scénario a été écrit par Amenábar et Matteo Dill. Avec Penelope Cruz. Et là, dans le film américain, il y a Tom Cruise, aucun rapport avec Penelope Cruz, ça s'écrit pas pareil, et il y a la très très belle Cameron Diaz. Voilà. Elle met aussi donc en vedette ce que j'ai dit, Tom Cruise, Cameron Diaz, Kurt Russell et Tilda Swinton. On y aperçoit aussi Conan O'Brien et Steven Spielberg à un moment ou un autre de l'histoire. La guitariste américaine Nancy Wilson du groupe Heart a écrit la musique. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Maintenant, on attaque les albums studio. Voici extrait de l'album Drive in Rain, la première chanson Drive in Rain sur RIG. Good, it's when we're tried to get over you. I tried to find something new. But all I could ever do was fill my time with thoughts of you. I tried to go somewhere old, to search for my pot of gold. But all I could ever hold inside my mind were thoughts of you. I hear music and it's driving me wild. Familiar rhythms in a different style. I hear music and it's driving me wild. Take me down. Don't wanna get hurt a second time around. Don't wanna walk that lonely road again. Yeah. Oh, lonely road. Driving me wild. Familiar rhythm in a different style. I hear music and it's driving me wild. Petite anecdote sur la chanson précédente, la chanson Drive in Rain, ce qui est absolument démentiel chez Paul McCartney pour qu'il trouve son inspiration, c'est qu'il était dans une maison, sa maison probablement, c'est pas ça l'important, mais il voit sur un panneau, vous savez, les panneaux des alarmes, il voit something's open, donc quelque chose est ouvert, et il a pensé something's open, it's my heart, quelque chose est ouvert, c'est mon cœur. Et ça a démarré la chanson comme ça. Si vous répétez, si vous réécoutez la chanson, c'est dans les paroles. Voilà, il suffit de rien, de trois fois rien pour Paul McCartney pour arriver à démarrer une chanson. En voici une dernière d'ailleurs sur cet album-là. Riding into Jaipur. J'aime beaucoup ce style, ça me fait penser à George Harrison, mais j'aime beaucoup sur cet album-là. Thank you.

et dire qu'à l'origine de cette chanson, ça n'est qu'une jam. Évidemment, le résultat qu'on entend là doit être une jam travaillée pendant un petit moment, parce que ça roule parfaitement. Mais c'est bien, qu'est-ce que j'aime cette chanson-là, à écouter très très fort, c'est vraiment excellent. Nous allons sur une troisième bande originale d'un film, la bande originale du film The In-Laws en 2003, avec, j'allais dire Kirk Douglas, non, avec Michael Douglas. C'est une vieille chanson des années 70 qu'il avait gardée dans ses tiroirs, Paul McCartney, et qui nous ressort cette fois-ci en 2003, c'est A Love For You sur RIG. Surely we're gonna find when you go. winter queen, she could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. She saw poverty breaking up her home, wounded warriors took her song away. La séparation, Paul McCartney nous pond au minimum un chef-d'œuvre par décennie, au minimum voire plus. Et pour les années 2000, c'était celui-là, l'album Chaos and Creation in the Backyard. Il reprend quelquefois la recette des Beatles, comme pour cette chanson qui aurait pu sortir sur l'album Blanc, par exemple, ou la chanson suivante, encore plus caractéristique du style des Beatles, English Tea sur RIG. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the do you know the game croquet? church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Vous avez remarqué, ça fait trois émissions que je vous mets les chansons dans l'ordre chronologique. J'avais envie pour cette fin d'année de rendre hommage de cette façon. Habituellement, je mélange tout. Je trouve que c'est plus agréable, plus divertissant. Mais là, ça, c'est bien aussi pour vous montrer une certaine évolution. On reste dans l'album Chaos and Creation in the Backyard par trois chansons. Il y a d'abord Friends to Go, la chanson que Paul McCartney a écrite en disant « ça ressemble à du George Harrison ». Et rappelez-vous, il y a quelques émissions, je vous ai fait écouter, grâce à l'intelligence artificielle, George Harrison, pour de faux, en train de chanter cette chanson-là. Et c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble à du George Harrison. Il y aura aussi Riding to Vanity Fair. Et pour terminer, This Never Happened Before. Ensuite, on changera d'époque. On passera quelques années plus tard, à peine. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. the feeling's gone. But I don't mind. Do what you have to do. You don't fool anyone. I'll tell you what I'm gonna do. I'll take a different point of view. And now that you don't need my help, I'll use the time to think about myself. Definition of friendship apparently ought to be showing support for the one that you love. And I was open to friendship, but you didn't seem to have any to spare while you were riding to Vanity Fair.

Mais oui, c'était moi. Celui qui faisait des trucs comme ça, c'était moi. Moi, j'ai pas écouté les paroles. J'étais en train de regarder sur Facebook. Mais bon, nous étions en 2007, nous passons en 2008. Paul McCartney nous fait croire qu'il s'appelle The Fireman. Cette fois-ci, il chante. C'est le troisième album. Les deux premiers ne faisaient que faire de la musique. Mais pour le troisième, il aurait dû prendre son nom de McCartney, mais c'était histoire de se donner la liberté, un peu comme dans Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, de faire quelque chose de différent. En voici quelques extraits. On va écouter Two Magpie, on va écouter le fameux Sing the Changes qui tournait vachement bien en concert, ainsi que Highway qu'on écoutera plus tard. Et puis il y en aura une autre, quatre chansons extraites du même album pour le grand plaisir des auditeurs de la saga des Fab Four. To my bias, a girl and a boy, one for sorrow, two for joy. With no salutes, I move away and long to face down fear. Ooh, I saw to my bias. Chez Paul McCartney, c'est qu'il est capable de changer de voix. Il peut chanter doucement des ballades, il peut chanter très fort, il peut chanter comme vous l'entendez et vous l'entendrez encore mieux dans quelques instants, avec une voix grave et une voix aiguë, la même lui, Paul McCartney, de façon à s'accompagner lui-même en double voix. Et il sait chanter du rock comme personne, des ballades comme personne. Bref, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'adore ce gars. Voici Sing the Changes sur RG. Quelle radio vous propose 2 heures de Paul McCartney un mercredi soir entre 20h et 22h? Aucune, sauf ici, RIG 90.7, la radio des Beatles. Yes.

je vous livre mon avis. Paul McCartney a eu une voix extraordinaire jusqu'en 2010. Après, est-ce qu'il s'est fait opérer des cordes vocales? Est-ce que c'est simplement l'âge qui est venu? Ce qui m'étonne, c'est que Mick Jagger a toujours sa voix. Bon, mais quelquefois, la nature est comme ça. McCartney commence à partir des années 2010 à chanter avec une voix plus vieille, ce qui est normal, hein, il est plus vieux. Mais il nous a fait peur en 2012 en sortant l'album Kisses on the Bottom. Il a une voix fatiguée et pourtant, il a fait ce qu'a fait Ringo Starr, lui, quand il avait seulement 30 ans. Il a choisi des chansons du répertoire des années 30, 40, quelque chose comme ça, voire même avant. Et il nous sort un très bel album qui s'appelle Kisses on the Bottom, dont voici une des chansons qui me plaît beaucoup, Accentuate the Positive. C'est tout McCartney ça, il accentue le positif. You got to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man, they say we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. Remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. With Mr. In Between. Alors Paul McCartney cette année-là a dû entendre mon reproche et il a sorti quelque temps après un 45 tours avec des membres du groupe de l'ex-groupe Nirvana, ça s'appelle Cut the Slack ou quelque chose comme ça, où il hurle et évidemment donc là on se dit ah ben non, il a toujours sa voix. Mais non, c'est plus tout à fait la voix. Mais en 2012, il nous sort un superbe album. En 2013 pardon, il nous sort un superbe album sur lequel vous avez Save Us, vous avez Queenie Eye et vous en avez d'autres. Voici deux extraits justement de l'album New sur RIG. Something 21h26, dans un peu plus de 30 minutes, ce sera Johnny de A à Z avec un Eric qui reviendra en pleine forme, soyons-en sûrs. Et puis ça va être bien, évidemment, comme toujours. On continue à explorer le Paul McCartney de 2000 à 2020 avec encore un titre, un dernier titre de l'album New, c'est Looking at Her. Ensuite, on abordera le chef-d'œuvre de l'année 2010, ce sera l'album Egypt Station. You ask her how it's done, she won't know. It's like trying to catch the sun on the water. She tries to explain, then it happens again. She haunts me like the sound of the rain, or a river running down to the ocean. I hate to complain, but it's happening again. She's

Yes, I will. Yes, I will now. Cet album sorti en 2018 est un chef-d'œuvre, Egypt Station. Je vous conseille de l'acheter. Écoutez encore deux chansons, dont une qui dure 7 ou 8 minutes. Vous savez que je l'adore. Ce sera juste après Happy With You sur RIG. Entendez ce bruit de métro ? C'est Eric qui vient de débarquer du métro pour arriver à la station. Et dans quelques minutes, ce sera Johnny de A à Z. c'est le drame quand même d'avoir une émission aussi courte. Je vais être obligé de raccourcir un tout petit peu parce que sinon on va être en retard. Et Eric aime bien que je sois à l'heure. 22h02, il m'a dit pas plus. Donc je vais essayer de faire 22h02. Tout à l'instant, c'était Hunt You Down, Naked et Ceiling. J'adore ce medley de trois morceaux qui est absolument fabuleux. On passe au dernier album, l'album sorti en 2020 pendant la pandémie. Lui, McCartney, ne sait que faire de la musique. Donc quand il s'ennuie, ben, il s'enferme dans le studio et il fait de la musique tout seul. Voici un extrait, trois extraits si on a le temps, de son dernier album. On commence avec Find My Way sur RIG. Well, I can find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out. Let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Ooh. Oh, oh yeah, oh minutes, ce sera Eric et le live du mercredi, du premier mercredi du mois, à peu près quoi, hein, voilà. Et voici Lavater Lille sur RG. On terminera avec Seize the Day. Look out for Lavater Lille. Look out for Lavater Lille. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Lavater Lille. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She's

voulez, on était en train de discuter, Eric et moi, et du coup, ben, j'ai raté la fin. Merci d'avoir suivi ce spectacle de Paul McCartney entre 2000 et 2020. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera un spécial Noël, bien sûr. À très, très bientôt. C'est trop court, hein, la saga des Fab Four. Il me faudrait 3-4 heures. Allez, à très bientôt. Là, ça va être bien. Ça va être du live. Et déjà, en temps normal, c'est bien. Mais là, c'est bien. À bientôt. We'll be right back.